الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم سيكون لحديث 20، وبقرون 20 حديث إن شاء الله إلى سكور والحمد لله. طيب. Et ce hadith, lui, se rapporte à la pudeur du serviteur, comme cela va suivre, que les gens qui ont un manque de pudeur sont amenés à faire ce qui leur plaît, à faire ce qu'ils veulent, comme vous allez le voir, inshallah, dans ce hadith. Donc il dit, « Qala al-imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي ابن حراش ابن حراش حدثنا أبو مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحديث انفرد به البخاري. سلو بن مسعود ou Abu Mas'ud, que le prophète alayhi salat wa salam a dit, parmi ce que les gens ont retenu de la première prophétie, c'est-à-dire la prophétie d'antan, des premières prophéties, que si tu n'as pas de pudeur ou pas de gêne, alors fais ce que tu veux, fais ce qu'il te plaît. Non. Donc là on remarque, lorsqu'il dit inna mima adraka an-nas min kalami et nubuwati al-ula, de ce que les gens ont retenu de la première prophétie, c'est-à-dire que les prophètes envoyés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont des enseignements qui ont perduré dans les générations d'après eux. Hein, ils ont enseigné des choses, déjà le tawhid, là-dessus n'a pas de doute. Comme qu'a dit Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-ta'ut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, éloignez-vous du ta'arut. Donc ça c'est le message de base de tous les prophètes, qui est d'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et de s'éloigner du ta'arut. Et également, ils avaient des rites qui étaient propres à leur communauté et qui par la suite ont été abrogés par les messagers qui sont venus d'après eux. Mais certaines choses sont restées. Dans les enseignements qu'ils ont apportés à leurs suiveurs, certaines choses ont perduré jusqu'à notre époque, comme le démontre ce hadith, et parmi eux, cette parole qui est « إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَا مَاشِتْ » que si tu n'as pas de gêne, pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît. Fais ce que tu veux. Cette parole-là est demeurée génération après génération. Donc là, le shir, il dit وَمَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي مَا يَسْتَحِي يَفْعَلُ الْقَبَائِحِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ بَابِ قُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اِعْمَلُوا مَا شِتُّمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Donc le sens de ce hadith, c'est que les gens qui n'ont pas de honte, pas de gêne, pas de pudeur, commettent les actes les plus avilis, hein, les actes les plus mauvais, les actes les plus laids. Et que ce hadith, lorsqu'il dit que si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux, cela revient au sens voulu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit faites ce que vous voulez, car il est certes clairvoyant ce que vous faites. Faites ce que vous voulez, car il est certes clairvoyant de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'en fait, là, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, une forme de menace ou de défi. Ce n'est pas une permission. Ce n'est pas on te dit que si tu n'as pas de gêne, alors il t'est permis de faire ce que tu veux. Non, ce n'est pas le sens voulu du hadith. Le hadith, il a différents sens qui ont été interprétés. Et parmi eux, là, c'est le fait qu'en fait, c'est une forme de... On te met au défi que ton manque de pudeur t'amène à faire ce que tu veux, c'est-à-dire tu vas en subir des conséquences. Tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Hein? Mais tu en subiras les conséquences par la suite. Une forme de défi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit également, il dit Wa'budu mashittum min douni. Hein? Wa'budu mashittum min douni. Et adorez ce que vous voulez en dehors de lui. Est-ce que Allah nous permet d'adorer autre que lui? Cela contredit le pilier principal de la religion qui est le tawhid. Hein? Wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Cependant, dans ce verset, hein, Farbudu mashittum min dounhi, adorez ce que vous voulez en dehors de lui, c'était une forme de quoi? De défi. Dans le sens, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, si tu en as envie. Mais après, il y aura des suites. Kafiko li ta'ala, faman sha fal yu'min, wa man sha fal yakfur. Que celui qui veut qu'il croit, et que celui qui veut qu'il m'écroit. Est-ce que là, c'est un choix qu'on a, vraiment? S'agit-il là d'un choix qu'Allah nous a laissé, de croire ou de ne pas croire? Non, il nous a été imposé de croire. Il nous est obligatoire de croire. Cependant là, Allah te dit, t'as le libre arbitre. Tu as le libre choix de prendre entre le bon et le mauvais. À la base, on t'ordonne de prendre le bon. Hein? Il t'est ordonné de prendre le bon. Cependant, tu as le libre arbitre. Si jamais cela te plaît, prends le mauvais. Cependant, le mauvais aura des conséquences par la suite. C'est ça que ça veut dire. Donc, on revient par rapport au hadith. Que là, le sens que le shir, il a voulu évoquer, mettre en évidence, c'est que là, c'est un ordre. Allah nous donne un ordre et une forme de menace et de défi. Et d'autres sens également ont été évoqués par rapport au hadith, qui est en fait, il est venu sous la forme de l'impératif, mais son sens voulu est l'information. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de gêne est une personne qui fait ce qu'il veut. D'accord ? L'interprétation, c'est cela. Là, on t'informe d'une chose. Il n'y a ni ordre, ni choix, ni rien du tout. Là, le hadith est une forme d'information. On t'informe que celui qui n'a pas de gêne est une personne qui fait ce qu'il veut. Ça, c'est la deuxième sens. D'accord ? Le deuxième sens. Troisième sens qui a été évoqué pour le hadith par les savants, ils disent que là, dans un sens, dans ce qui est permis, hein, par la religion et qui est légiféré, que si jamais tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu veux. Dans les choses permises. Par exemple, c'est comme si moi je te dis, rentre chez moi, je t'invite à la maison, une invitation, rentre à la maison, pose-toi tranquille, hein, tout ce que tu vois dans la mektaba là, lis, fais comme tu veux. Pour que tu n'aies pas à me demander la permission à chaque fois, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela, ainsi de suite. Non, là je te montre directement, là tu vois cette mektaba qui est devant toi, prends le livre que tu veux et lis-le. Tu veux boire, il y a la boisson, sers-toi comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je t'y autorise. Donc là, c'est le troisième sens du hadith qui veut dire que dans ce qui est permis, si tu n'es pas une personne qui a trop de gêne, alors fais ce que tu veux. Dans ce qui est permis. Tu n'as pas à chaque fois à demander la permission à cette suite. En espérant que vous ayez compris les trois sens. Premier sens, c'est un ordre de défi et de menace. Que si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Mais tu en subiras les conséquences. Deuxième sens, c'est une information. Que celui qui n'a pas de gêne est une personne qui fait ce qui lui plaît. Et troisième sens, si tu n'as pas de gêne par rapport aux choses permises et légiférées, alors fais ce que tu veux sans que tu aies demandé la permission. Donc lui, le shir, lui, il se base sur le premier sens dans le hadith. Lui, il va expliquer par rapport au premier sens. D'accord ? Par rapport au premier sens qui est le blâme, la menace, hein, les conséquences à subir pour le manque de pudeur, le manque de gêne que des gens, hein, dont les gens font preuve. Donc il dit, tamam. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ذم للذي هو بلا حياء وأيضا ذم للذي هو قليل حياء فكل هذين الصنفين يدخل تحت هذا الذم وربما طيب donc il dit il s'agit là d'un blâme pour celui qui n'a pas de pudeur ou celui qui en a très peu et que ces deux sortes de personnes sont concernées par cette réprimande. وربما يقترف من القبائح بقدر قلة حيائه. Il se peut qu'il commette des turpitudes, des vilaineries, hein, des actes mauvais en mesure de son manque de pudeur. Moins il aura de pudeur et plus il fera des choses, hein, répréhensibles. والحياء من الإيمان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبون الشعبة فأعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc il dit que la pudeur fait partie, hein, la pudeur est partie, fait partie intégrante de la foi. C'est un acte du cœur. Comme le prouve le hadith de Abu Huraira dans les deux Sahih, et Bukhari et Muslim, que la foi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa la ahli wa sahbi wa sallam, il a dit Al-Imanu, la foi, bid'un wa sabun shurba, est de 70 branches et quelques. La plus haute, c'est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter les obstacles des chemins, des lieux de passage. Et que la pudeur est une branche de la foi. Donc la foi, plutôt la pudeur, hein, fait partie de la foi, des actes du cœur. فالإيمان له شعب من شعبه الحياء والحياء خير كله كما في الصحيح من حديث عمرو بن حسين الحياء لا يأتي إلا بخير. Donc il dit que la branche, que plutôt la foi est une branche parmi les branches de la foi, plutôt que la pudeur est une branche parmi les branches de la foi, et que la pudeur ne contient que du bien. Hein? La pudeur est une chose, une caractéristique qui ne contient que du bien. Comme le prouve le hadith sahih rapporté par Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pudeur n'apporte que du bien. Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Que la pudeur ne vient qu'avec du bien, n'importe que du bien. إنما يكره الحياء إذا منع عن السؤال عن سؤال العلم وتعلمه. قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتملت أو احتلمت إذا هي احتلمت. قال نعم. Donc il dit que on blâme el-haya, peut être traduite par la pudeur, par la gêne, par la honte, par la timidité. Toutes ces choses qui tournent autour du même point. Tous ces sens sont à peu près synonymes en langue française. Et que la pudeur, qui elle est blâmable, chez nous, en français, on l'appellera plutôt la timidité. C'est celle qui t'empêche de poser des questions, de science. Tu es trop timide. Par exemple, tu as un savant devant toi, ou une personne qui est apte à t'apporter une réponse, et toi tu n'oses pas le demander. Par cause de ta timidité. Nous, en français, c'est pas vraiment la pudeur là qui rentre. Parce que la pudeur, c'est plus par rapport au fait... La pudeur, ça rentre plus dans le fait, par exemple, de se dévêtir, ou d'avoir des comportements assez osés devant les gens. Ça ramène plus à ça en français, la pudeur. Quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne va pas montrer certaines parties de son corps. Ou se retiendra de tenir des propos assez osés, comme nous l'avons dit. Ah, mais une personne timide, c'est une personne qui n'ose pas vraiment parler, dire ce qu'il ressent. Mais s'il se lâche, il peut dire des choses surprenantes. Hein. Quelqu'un de timide n'est pas forcément timide avec tout le monde. Ou comme le pudique, il n'est pas forcément pudique avec tout le monde. Ou la gêne. Il y a une petite différence quand même. D'accord ? Il y a une petite différence. Et en fonction du hadith ou de la chose voulue, du sens voulu, on peut mettre des fois pudeur, on peut mettre des fois timidité, on peut mettre des fois gêne, on peut mettre des fois honte. Ça dépend. Et donc là, le fait de ne pas poser une question, ce serait plutôt... là, ce serait pas être pudique. Hein? Là, ce n'est pas être pudique. Tu dis pas, par exemple, il ne pose pas de question à un savant, pourquoi est-ce qu'il est pudique? Là, ça rentre pas très... ça correspond pas. Le sens, il ne correspond pas en français. On va plutôt dire, il est gêné. D'accord. Il est timide. Non, il a honte. Mais il est pudique. C'est pas vraiment le sens qui correspond en français. Toujours est-il que cette gêne ne doit pas t'amener à ne pas poser de questions dans ce qui se rapporte à ta religion. Comme l'a dit Sulaym, radiallahu anha, qui est la mère de Anas, radiallahu anhu, lorsqu'elle dit, ô messager d'Allah, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Est-ce que la femme doit faire un roussel, c'est-à-dire un grand lavage, si elle fait un rêve, on va dire un rêve dans lequel elle voit qu'elle, par exemple, elle a des relations avec un homme. Donc il dit, est-ce que cette femme-là doit faire le roussel? Comme l'homme, par exemple, l'homme, c'est connu, lorsqu'il fait un rêve comme ça, il peut, ça lui amène à ce qu'il éjacule. Il se réveille le matin et le sperme est sorti, donc il est en état de janaba. Donc là, Soulaim, elle demande, est-ce que c'est pareil pour la femme? Si elle fait un rêve de la sorte, est-ce qu'elle doit faire le roussel en se réveillant? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, si jamais elle voit l'eau. Le sens voulu ici par l'eau, c'est l'équivalent du sperme chez la femme. Ce liquide qui sort et qui amène, qui est obligatoire le faire de faire le roussel. Si cette femme voit ce liquide qu'il est sorti, elle doit faire le roussel. Le jugement pour la femme est le même que pour l'homme sur ce sujet. Donc il dit, donc là, regardez Abu Sulaym, elle n'a pas... Sa pudeur ne l'a pas empêchée de poser une question. Car cela revient à un jugement religieux. Il se peut qu'à cause de cela, ces salawat soient refusés. Car la salat en état de janaba. Hein? Et la tahara, la purification, est une condition de la salat. Donc là, à ce moment-là, il ne faut pas être gêné. Il faut poser la question, c'est important. Il y a des sujets, même si des fois, c'est vrai que c'est un peu... on a peur d'être déplacé ou d'avoir... d'évoquer des mauvaises pensées à notre égard. Si cela, il en découle un jugement religieux, il faut la poser la question. Il ne faut pas avoir honte, il faut poser la question, mais la poser comme il faut. Donc que la pudeur, à ce moment-là, ou plutôt on va dire que la gêne, ou la timidité, ou ainsi de suite, n'amène pas à ce que la personne se retienne de poser des questions dont la réponse est impérative. Donc la réponse est impérative pour elle, dans sa religion. Comme là, par exemple. Ensuite, il dit, « وَلَا يَتَعْلَمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌ وَلَا مُسْتَكْبِيرٌ » كما قال بعض السلف مجاهد بن جبر رحمه الله قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومعنى ذلك أنه يمنع الحياء عن طلب العلم عن التفكه في الدين الله هذا منيع عنه ومكروه فإنه يحول بينه وبين واجبات وبين مندوبات وبين ما يحتاجه. Donc il dit, comme cela a été rapporté par un des salafs, qui est Mujahid ibn Jibr, rahimahullah ta'ala, il dit que personne n'acquiera de la science plutôt que le mustahi, celui qui fait preuve, qui est tout le temps gêné, qui a honte, ou celui qui est orgueilleux, ces deux-là n'obtiendront pas la science. Car celui qui a honte ne pose pas de questions, car il est gêné, et l'orgueilleux, car il se voit meilleur. Il voit pour lui que c'est rabaissant de poser une question. Donc ces deux-là seront privés de la science. Donc cela l'empêche d'étudier, de comprendre la religion, et que cela est interdit. Hein? Cela est interdit. Et également détestable. Car cela fait obstacle entre lui et ses obligations. Ou entre lui et ses actes recommandés. Entre lui et ce dont il a besoin dans ce qui touche à sa religion. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه رأى رجلان يعذو أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. Également qu'il a été rapporté dans le Sahihain que Ibn Omar vu un homme qui blâmait son frère qui était trop pudique. Donc il lui dit laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. Et rapporté également wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana shadu haya'an min al-'udhra fi hidriha. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique hein, qu'une jeune fille vierge dans sa chambre, dans sa pièce intime, à elle. Wa Musa alayhi salatu wa salam kana hayyan yuhibbu as-sitr wa kana banu Israil yaqulun innahu adar liannahu ma yahtasilu ma'ahum li haya'ihi adar ay muntafihu al-khusiyya fa yawm min al-ayyam ihtasala wa wada'a thawbahu ala hajar wa farra al-hajaru bi thawbihi فتبع الحجر وهو يضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف عند بني إسرائيل ورأوه سليما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Donc il dit également que Moussa alayhi salam était une personne très pudique. Et là c'est le mot pudeur qui correspond. Le mot pudeur est vraiment le mot approprié. Car il se lavait, il ne se lavait pas en fait, car les fils d'Israël se lavaient en groupe, en commun, tous ensemble. Et lui, Moussa alayhi salam, se mettait à l'écart. Hein? Il ne se lavait pas avec eux. Donc il disait, les autres commençaient à douter de lui, il disait qu'il est Adar. Adar, c'est une malformation au niveau des parties génitales. Au niveau des testicules, il avait une malformation. Donc il dit, c'est pour ça qu'il se cache de nous. Qu'elle est mal formée. Et tout simplement, Moussa, lui, ne se douchait pas avec eux, ne savait pas avec eux. C'était pas pour ça, c'est parce qu'il était pudique. Il n'aimait pas se mettre nu devant tout le monde. Et un jour, il alla pour se laver et posa ses vêtements sur une pierre. Et cette pierre s'en alla avec ses vêtements. Pourquoi? En fait, ça venait de la sorcellerie faite par des Bani Israël. Hein, ça vient au sihr. Ils ont fait du sihr. Et que la pierre s'en alla avec son vêtement. Donc lui, il se mit à poursuivre la pierre en la frappant. En disant... Ô pierre, mes vêtements, ô pierre, mes vêtements. Et il est même rapporté qu'il a frappé la pierre tellement fort qu'il la marqua pour montrer la grande force que Moussa alayhi salam il avait. Moussa alayhi salam était doté d'une grande force. Donc il frappa la pierre hein, au point qu'il la marqua, parce que pour marquer une pierre, il faut vraiment frapper fort. Et cette scène-là se passa devant justement les fils d'Israël. C'est-à-dire il arrêta la pierre. Il récupéra son vêtement devant eux. Donc là, ils le virent et ils virent qu'en fait, il était tout à fait normal, qu'il n'avait aucune malformation. Ils virent qu'il n'avait rien d'anormal dans sa constitution physique. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans son livre, dans le sens relatif et rapproché, « Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa et Allah l'innocenta de ce qu'il dit. Il était auprès d'Allah, certes, honorable. » Donc là, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas accuser les gens à tort et parler sur eux sans savoir et toucher leur honneur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sentra cette personne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à ça, au fait de la pudeur, hein, qu'à l'époque, pour ceux qui ont été à l'école, ceux qui n'étaient pas dans l'islam ou ceux qui n'étaient pas vraiment sur le stikama, que chez les koufars, justement, par exemple, une fille qui était pudique, eh ben, les gens se moquaient d'elle. Et elle était rabaissée. On disait qu'elle était... c'était une enfant, quoi. Considérée comme une enfant. Pourquoi? Car elle s'habillait, par exemple, elle se couvrait complètement le corps. Elle mettait des vêtements longs, amples, ainsi de suite, alors que les autres, elles avaient des vêtements courts, serrés, ainsi de suite. Et celle qui était pudique, qui n'osait pas le faire, eh ben, les gens se moquaient d'elle. Pour vous dire un peu l'attitude et l'éducation qu'on reçoit dans ces écoles. Qu'on se moque des personnes qui ont des bonnes vertus. Non. Donc le shir reprend disant wal haya'u min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرا والحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. طيب donc il dit إذن الحياء الحياء comme dans le hadith est venu est parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a bien déjà dit que ليس كمثله شيء, qu'il n'y a rien qui est comme lui. Donc là, cette sifat-là lui revient à lui, comme cela lui convient. Subhanahu wa ta'ala. Kama yaliku jalala. Donc cela est parmi ces sifat d'Allah. Car le hadith qui le prouve, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, certes Allah hayy, c'est-à-dire qu'il fait preuve de haya. Là, je ne sais pas si on pourra dire... de gêne, ce serait plutôt de la gêne là. À ce moment-là, ce serait plus proche du marin, du sens de, du mot gêne. Et noble, donc certes Allah fait preuve de gêne et noble, et il est gêné de l'un d'entre vous qui lèverait ses mains vers lui, hein, il serait gêné de les renvoyer vides. C'est-à-dire que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en levant tes mains et que Allah ne t'exauce pas. Ce qui prouve que, comme nous l'avons cité dans l'un des hadiths, lever les mains sont parmi les causes de réponse dans le dua. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela vient dans le hadith, il a de la haya par rapport au fait qu'il renvoie son serviteur ayant levé les mains vers lui. Bien entendu, il s'agit d'une personne qui ne mange pas de haram, comme nous l'avions pris. Non, une personne, parce que celui qui mange du haram, ses dua ne sont pas exaucés. Ses dua ne sont pas exaucés. Et d'autres hadiths qui citent وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءَةُ مِنَ الْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ. Donc il dit, et la pudeur fait partie de la foi, et la foi est au paradis. Et l'obscénité, les grossièretés font partie de la rudesse, et la rudesse est au feu. Et rapporté dans Sahih al-Musnad par Sheikh Mokbir, rahimahullah ta'ala, sur Abu Huraira. Et également le hadith sur Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-haya'u wal-imanu karnan jami'an fa'idha dhaaba ahaduhuma dhaaba al-akhar. Que la pudeur et la foi sont associées l'une à l'autre, elles sont liées l'une à l'autre. Et que si l'une d'entre elles s'en va, l'autre aussi s'en ira. Wa kullu hadhihi al-ahadith 'azimatun. Et que tous ces ahadiths ont un grand sens. Hein? Ont un sens large. Donc ensuite il dit انظر للمرأة التي هي بدون حياء كيف تعمل البلاوة تمشي كاشفة الوجه وربما لبست إلى ما فوق الركبة من أين أتيت من قلة الحياء وربما مشت برأسها منشورة بين الرجال وكذا ترفع صوتها بين الرجال وتلين صوتها وتخدع به والرجل الذي ما يستحي لا يتحاشى عن ذنب أو عن ذنب وربما يكون ماجنا لا يبالي بما حصل له من ذنب أو قدح أو شيء من عرض في عرضه لقلة حيائه. Donc il dit, regarde par exemple la femme qui n'a pas de pudeur. Regarde les calamités dont elle fait preuve, dont elle éprouve les gens. Elle marche le visage découvert. Elle porte des vêtements qui se peuvent qui sont au-dessus des genoux. D'où cela lui vient-il? Hein? D'où tient-elle ce comportement? D'un manque de pudeur. Hein? D'un manque de pudeur. Il se peut qu'elle marche avec la tête dévoilée, complètement dévoilée. Et cela au milieu des hommes. Ou également qu'elle lève sa voix entre les hommes. Lorsqu'elle parle, elle parle fort. Hein? Et qu'elle fasse preuve de complaisance avec sa voix. Et que celui, l'homme, qui lui n'a pas de pudeur également, et qu'il ne s'écarte pas des péchés, lui, il se peut qu'il soit un aguicheur. Qu'il se contrefiche de ce qui lui arrivera, comme blâme ou comme atteinte à son honneur, pour le peu de pudeur qu'il aura. C'est-à-dire que lui, cette femme-là, lui fera un effet Et il se peut que cela, il en résulte des mauvaises conséquences entre les deux. Et c'est une chose, c'est vrai, qui est remarquée. Lorsque Chiel lui fait allusion par rapport à là, au visage découvert, on sait qu'il y a un khilaf sur le sujet. Lui, Chiel, il est de ceux qui voient que le visage doit être couvert. Ce qui est l'avis le plus juste, le plus prépondérant. Mais lui, il parle là surtout par rapport au Yémen, je pense. Car au Yémen, à la base, les femmes sont toutes voilées, le visage voilé. Même si elles portent le niqab, qui laisse entrevoir les yeux, et le niqab qu'elles portent, celui-là n'est pas légiféré. Car le niqab qui est légiféré, c'est le fait que l'on voit juste l'œil, qu'elles puissent juste voir. On voit juste l'œil ou deux yeux, mais on ne voit pas le nez, ni les sourcils, ni rien du tout. Juste l'œil. C'est celui-là, le niqab, qui était porté par les sahabiyat. Et dans Allah, alayhinna, jami'an. Et même celui qu'on voit aujourd'hui, où on voit une partie du nez et la couleur de la peau, les sourcils et ainsi de suite, celui-là, c'est plus une fitna qu'autre chose. Celui-là est plus une fitna qu'autre chose. Donc au Yémen, une femme qui marche le visage dévoilé, complètement dévoilé, c'est vraiment un manque de pudeur dont elle fait preuve. Car dans ce pays-là, c'est une chose qui est vraiment très mal vue. C'est une chose rarissime. Vous verrez rarement des femmes au visage dévoilé. Bien que depuis les révolutions dernières qui ont eu lieu au Yémen, c'est un phénomène qui s'est un peu plus répandu. On voit plus de femmes au visage découvert qu'avant. Mais avant, c'était vraiment une chose qui était inacceptable. Et même maintenant que les koufars ont rentré leur poison au Yémen, en soulevant le peuple contre les gouverneurs, et en voulant rentrer, on va dire, la liberté de pratique dans sa religion et l'égalité entre les hommes et les femmes, certaines femmes ont été influencées par cela et se voient, elles, libres de sortir le visage découvert. Par contre, la tête découverte, vous n'en verrez aucune yéménite. Les seules qu'on a pu voir au Yémen, le visage, on va dire la tête découverte, sont des étrangères, des touristes, qui sont très rares. Mais des yéménites, ça c'est une chose que vous ne verrez, je crois, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça ici. Et donc vous savez que c'est une chose qui est vraiment plus pour l'homme que pour la femme, une chose qui est vraiment déplaisante que de voir une femme dans la rue qui parle fort, qui rigole fort, qui s'exprime fort, qui se trouve au milieu des hommes sans gêne. C'est une chose vraiment d'islam qui est rabaissante pour elle, qui touche à son honneur, et qui fait qu'elle est très mal vue. Un homme de droiture ne sera pas attiré par une telle femme de la prendre comme épouse, comme conjointe, et d'en faire la mère de ses enfants. C'est une chose qui repousse. Donc les femmes, les sœurs, qu'elles fassent attention à ça, car c'est une chose qu'en France on nous apprend, et on sait qu'on l'a vu, beaucoup des sœurs qui étaient étrangères, qui venaient d'Europe ou d'Amérique, à des mèdes, se faisait plus remarquer pour ce genre d'attitude que les yéménites. Le fait de parler fort, de rigoler fort, et de se faire un peu remarquer dans les rues. Ça, c'était plus vu par les étrangères que par les yéménites. Naam. Donc le chi reprend en disant « Wa antum ta'alifuna an al-arab kathir minhum kanu yastahiyun wa in kanu jahiliyin » Vous savez que les arabes, avant l'islam, malgré tout cela, étaient des gens qui avaient une certaine pudeur. Bien qu'ils avaient l'ignorance pré-islamique en eux, c'était des gens qui avaient une certaine pudeur. Là, ici, donc il dit à Abou Sofiane, lorsqu'il se trouvait devant Héraclus, le César de son époque, lorsque celui-ci l'interrogeait à propos du prophète Mohammed, la chose qui l'empêchait de mentir, Abou Sofiane, c'était la pudeur. Pas la pudeur, on va dire la gêne, la honte du fait qu'il n'aimerait pas qu'après on dise qu'il est un menteur, d'être accusé de mensonge. Car chez les Arabes, c'est très mal vu. Le menteur, chez les Arabes, car ils avaient un honneur. Celui qui trahit son pacte, sa parole ou qui mentait, était très mal vu. Et cela avant l'islam, avant qu'il ne rentre dans l'islam. Radhiyallahu anhu. Donc il dit, ce César, ce Héraclius, lui dit, donc, que vous en donne-t-il ? Que vous en donne-t-il ? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya'muruna bi salati wa sidq wal ifaf wa silah kalam al haqq ma kana 'indahu iman yamna'uhu 'an al kadhib walakin istahya an yuqalu Abu Sufyan kadhiba. Donc il dit, il répondit au César, à Héraclius, en lui disant, il nous ordonne d'accomplir la salat, d'être véridique, de faire preuve de chasteté, d'entretenir les liens de parenté. Naam. Et la véracité, et que bien que Abou Sofiane n'avait pas d'hymen à l'époque, n'avait pas la foi, sa gêne, sa honte l'empêcha de mentir, de crainte qu'on dise que Abu Sofiane ment. Donc vous voyez, même chez des gens, même chez les koufars, vous allez trouver que des gens ont une certaine haya qu'ils empêchent de dépasser certaines limites. Même chez les koufars, des gens, tu vas dire faire telle chose, ils vont dire non, je ne le ferai pas. J'ai des limites. Certains, c'est, ils ont sans limites. Ça, c'est des shayatines, ceux-là. Sans limites. Sans foi ni loi, comme on dit. Sans scrupules. Mais d'autres, malgré leur kouf, vous allez voir en eux une certaine pudeur, une certaine timidité, une certaine honte, une certaine gêne face à certains actes. Ensuite, il dit « Wal hayaou ma'ani'un an al-kadhib, wa an al-fawahish, wa an al-taftalassus, wa an al-darb, fil aswaq, al-hayaou kulluhu khayr, wa la'afifu ma yastahifu ila an al-haya. » Donc il dit la pudeur, à chaque fois je dis le mot pudeur pour haya, mais des fois, comme on a dit au début, ça peut être un autre mot. Parce que souvent le mot haya est traduit par pudeur, mais comme nous avons précisé au début du cours, cela varie en fonction du sens de la phrase. Donc des fois, même je vais laisser le mot haya, d'accord? Haya'un. Ha, avec un ya, après un alif, après un hamza. Hamzatul Qatr. Haya'un. Donc cette pudeur empêche de mentir. Empêche de commettre une turpitude. Empêche de voler, de soutirer des biens des gens. Empêche également les gens qui font du grabuge ou du vacarme dans les souks, dans les lieux de commerce. Et le haya ne contient que du bien. Hein? Dans son intégralité, elle n'est que du bien. Par rapport au marché, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que des fois, dans les marchés, vous savez que les gens crient pour appeler avant leur marchandise. L'autre crie par là, l'autre crie par là, l'autre crie ses prix. Et celui qui a de la haya, il ne peut pas se permettre d'agir de la sorte. Il est gêné de crier devant tout le monde, de se faire remarquer. Et ça, c'est quoi le haya? Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pas dire non, lâche-toi. Il n'y a pas de lâche-toi. Non, justement, alhamdoulilah, fais preuve de réserve et de bon comportement et ne crie pas. Ina, un de il a sauté le hamir. Et la plus mauvaise des voix est la voix de l'âne. Donc crier n'est pas bon. Dans certains cas, on peut lever la voix ou quoi, mais à la base, l'homme n'a pas à crier. Il n'a pas à crier. Et encore moins la femme. Et encore moins la femme. Non. Et il dit, et le chaste, la seule chose qui l'amène à garder et à préserver sa chasteté, qu'est-ce que c'est? C'est le haya, la pudeur. Non. وَيَعِفُ نَفْسَهُ عَنِ الزِّنَا وَأَلْفُ عَنِ الْفُجُورِ وَالْمُحَرَّمَاتِ كَثِيرًا وَالْفَوَاحِشُ كَثِيرَةٌ يَمْنَعُهُ مِنْهَا الْحَيَاءُ أَوْ مِنْ بَعْدِهَا. Donc il dit, donc cette personne-là qui est chaste, ce qui le retient de commettre la fornication ou des immoralités, des actes immoraux ou des actes interdits haram et de beaucoup de turpitude, c'est el-haya. Hein? C'est le haya qui l'en interdit, qui l'en empêche. Et si ce n'est pas tout, au moins sa haya l'empêchera d'en commettre certaines, et peut-être les pires. Car même s'il commet des péchés, il aura une limite aussi, des choses qu'il ne fera pas. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه للخير. Donc il convient pour cela que la personne habitue sa propre personne au bien, ومكارم الأخلاق et au bon noble caractère, au bon comportement. وقد تكون جبلة في الإنسان. Il se peut que cela soit un penchant naturel qu'il a en lui. Cela, comme on dit, c'est une chose qui est en lui, c'est inné en lui, c'est naturel. Car des gens ont ça en eux, même des koufars, par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, c'est une chose qui est innée en eux. Ils ont de la pudeur, ils ont une gêne. Et d'autres, comme le chef va le faire comprendre, d'autres, c'est une chose qu'ils ont acquis par la suite, par leur fréquentation. Par exemple, en ayant fréquenté des gens qui font preuve de haya, alors ils ont été imprégnés. Ils sont imprégnés de ce caractère, ils sont devenus pareils. Ou des gens par rapport à l'islam, qui avant avait une certaine relâche, en rentrant dans l'islam, en ayant appris les règles de l'islam, se contiennent et se retiennent et se corrigent. Naam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li Ashaj Abd al-Qais inna fika khulsatayn yuhibbuha Allah wa yuhibbuhuma Allah al-hilm wa al-anad. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, hein, li Ashaj Abd al-Qais, il dit certes tu as deux vertus, deux qualités que Allah aime, qui sont el-hilm. El-hilm, ça peut être la sagesse ou la tolérance. Et Al-ana, qui se peut être la douceur. Voyez, la douceur, la sérénité. On peut traduire comme ça. Donc, quand yakunu iktisaban, ça on l'a dit. Donc, ensuite, il finit en disant wa billah alaykum. Hel ahadun min ahli sunnati yastati'u an ya'mala ma ya'malahu ulaika min min khuruj ila shawari' yudhahir wa yakul ya shabab amrika ya al ihrab al irhab fadlan an takhruj al mar'a. Là il y a une partie là, je sais pas ce qui est écrit, donc on la saute, un passage là, j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il veut dire par là. Wa taz'um annaha tansur al quds ويكشفت رأسها وزراعيها هذا كيلت حياء. Donc il dit ô mes frères, en prenant Allah témoin contre vous, sur vous, est-ce possible qu'une personne de la sunna, genre de la sunna, puisse agir de la sorte, c'est-à-dire sortir dans les rues, manifester en criant ô les jeunes, ô les jeunes, ainsi de suite, ou crier dans la rue que c'est l'Amérique qui est la terroriste, avec des banderoles en criant, avec des slogans, ainsi de suite. Alors que dire d'une femme qui agirait de la sorte, une femme qui est dans les rues, qui crierait, hein, en tant que manifestante, et qui prétendrait vouloir sauver la Palestine. T'as-t-il ? Alors qu'elle a la tête découverte, les bras découverts, hein, sans pudeur au milieu des hommes, en train de pousser des cris. Est-ce qu'une personne de la salafia, la sunna, pourrait agir de la sorte? C'est ça que le chef veut faire comprendre. Sûrement pas. Je me rappelle une fois quand ils avaient interdit le voile dans les écoles. J'étais encore en France à l'époque. À mon travail, j'avais pris un journal, je lisais. J'étais déjà musulman. Et on voyait quoi sur les journaux? Voilà, zoubillah, des sœurs avec du maquillage bleu, blanc, rouge sur le visage. Avec des têtes, genre la bouche, tu sais, en train de crier quoi, la bouche grande ouverte, je sais pas ce qu'elle criait, et le poing en l'air, avec le voile, hein, la tête voilée, une tête, a'ouzoubillah. Quand tu vois ça, tu dis, mais c'est la honte. Voilà, c'est la honte pour les serfs. J'ai vu ça, j'étais choqué. Et on dirait que le photographe, il a bien fait un gros plan sur une femme, avec la langue dehors, la tête, la bouche grande ouverte, les yeux bien gros, bien gonflés, hein, un truc qui est vraiment une vision d'horreur, comme on dirait. C'était horrible à voir. Sans pudeur. Le poing en l'air, la bouche ouverte, langue dehors, les yeux gonflés, en train de crier. Gros plan dans le Parisien ou je sais pas où. Aux yeux de tous. Je sais pas si cette sœur-là, elle est mariée, ou qu'est-ce que son père dirait, ou ses frères diraient s'il y avait des gens droits, mais ça, c'est une chose vraiment qui est rabaissante. Et encore plus rabaissante pour l'image des sœurs. Et ces sœurs-là sont sorties pour manifester par rapport au voile. Regardez comment elles ont été rabaissées dans leur honneur. Dans la rue, en train de crier avec leur voile. Et le pire, maquillées en bleu, blanc, rouge. La ilaha illallah. Donc le chef poursuit pour finir en disant هل أحد من أهل السنة يستطيع أن يخرج امرأته تتصور عند مصور ويجسمها ولو أعجبته ويطرحها في مكان التصوير يكون يتفرج عليها وقت التخزينة ويخزن ويتفرج على صورة تلك الجميلة وأمور كثيرة تحصل بسبب قلة حياة وكم تجد في هذا الحديث من الفوائد بما يتعلق بالحياء بما يتعلق بالحياء ومن الخير الذي فات المجتمع بسبب عدم حيائه إلا من رحم الله الحياء خير كله والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وهذا هذه الشعبة فرط فيها كثير من الناس وبلا توفيق. Donc il dit, est-il possible que une personne du genre de la sunna, un salafi vise par là, puisse prendre sa femme, l'emmener chez un photographe qui se mettrait à la contempler, hein, à la photographier. Ensuite, une fois qu'il partirait, ce photographe irait prendre son cote. Là, il parle du Yémen. Il parle du Yémen. Quand on a parlé du cote, c'est l'herbe qui se mâche et qui est une forme de drogue. Ensuite, après, Vore, hein, il prend son cote, il s'allonge et regarde la photo de cette femme en la contemplant. La femme d'un frère, Salafi. Est-ce que Salafi laisserait sa femme faire une chose pareille? Alhamdoulilah, ici au Yémen, il y a des photographes femmes. S'il y a besoin de faire une photo obligatoire pour un passeport ou autre, il y a des femmes. Mais lui parle de celui qui va chez un homme. Il laisse sa femme se faire photographier par un homme. Et l'homme, lui, si la femme elle est belle, il va être maftoun. Alors que dire d'une personne qui n'a pas de droiture? Un photographe, un ami, qui n'est pas moustakim, qui prend du cote. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois que la photo, il va la cacher? Donc ça, c'est une atteinte à l'honneur de cette personne. Et j'ajoute juste un tumbi que le chéri avait dit une fois dans un ders. Pour ceux qui font des photos d'identité pour leur papier, il y a ce qu'on appelle les photomatons. D'accord, c'est connu, tu t'assois dans la cabine, tu appuies sur le bouton. Lui, il dit, n'utilise pas les photomatons. C'est une photo à faire pour toi, va chez un photographe et laisse-le lui prendre la menace de ce hadith, qui est La'anallah al-musawwirin. Ou inachad al-nas, azab al-yum al-qiyama al-musawwirun. Qui est le hadith qui est que Allah a maudit les musawwirun, ceux qui font des images. Et que les gens qui ont le plus dur châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui façonnent des images d'êtres dotés d'âme. Donc lui dit quoi? Toi, en appuyant sur ce bouton, t'es un moussaouir. Dans le photomaton, quand tu appuies sur le bouton, t'es un moussaouir. Tu t'es photographié. Donc il dit, toi, non. Allège-toi, ce fardeau. Va chez un photographe et laisse-lui, lui, prendre le péché. Hein? Va chez un photographe, n'appuie pas sur le bouton toi, même si tu es excusé. C'est une cause, et va chez lui, un kafir ou je sais pas qui, et lui prend photo et c'est lui qui prendra. Et pas toi. Non. Et pour les femmes, pareil, bien entendu. Si tu des frères, souvent, disent, pour pas que le photographe voit leur femme, eux-mêmes ils prennent la photo de leur femme. Non. Aménage une femme photographe et laisse-les eux prendre le péché. Toi, alhamdoulilah, tu t'immunises contre ce mal, tu te prémunises contre ce mal, et tu vas chez une photographe femme et celle qui prend la photo, et tu prends les doubles et tout ce qui va avec, et tu t'en vas. Alhamdoulilah. Donc il finit en disant que combien y a-t-il d'enseignements utiles dans ce hadith qui sont liés à al-haya, la pudeur, la gêne, la honte, la timidité, et ainsi de suite. Et tout le bien que cela comporte. Et que beaucoup de biens ont échappé aux sociétés à cause de leur manque de pudeur. Hein? À cause de leur manque de pudeur. Hormis à qui Allah aura fait miséricorde. Cependant, al-haya ne comporte que du bien. Et que celle-ci est une branche de la foi. Et que cette branche, beaucoup de gens ont fait preuve de négligence à son égard. Donc de là s'achève l'explication du hadith. En espérant qu'il aurait été profitable pour tout le monde, pour nous en premier et ensuite pour nos frères et nos sœurs. Hein? Et la pudeur est une vertu que l'on doit trouver chez l'homme comme chez la femme, mais elle a encore plus de valeur aux yeux des hommes chez les femmes. Que les femmes pudiques, les femmes qui font preuve de retenue et qui sont réservées, sont les femmes qui sont les plus appréciées par les hommes de droiture. Donc attention au manquement, chez nous, chez les hommes comme chez les femmes, dans le fait de mal parler, de rigoler trop fort, ce genre de choses. Naam. Fabiha hadana kutafi, on akul, alhamdulillahi rabbil alamin.